pirate d'Apollon et de Vénus. J'en ai les signes adéquats de l'occiput allumérus. J'ai la mèche intellectuelle, les deux lèvres sensuelles. Et mesdames, vous devinez, à mon nez. L'amour avec moi, c'est d'une non. Quoi? D'une non. Et ça ne peut pas être autrement. Quoi? Autrement. Quand descend l'ombre propice, les femmes qui sont tentées disent en voyant ma cuisse, voilà l'enfant de la volupté. Comme ça ne peut pas être autrement. Quoi? Autrement. Et l'amour avec moi, c'est du nana. Quoi? Du nana. Merci maman. Merci papa. De m'avoir fait comme ça. Ah ah ah. Ah, ah, ah, pour instruire mes petites copines quand elles sont dans le dodo. J'ai tatoué sur ma poitrine les œuvres de Victor Hugo. Ma caresse est agaçante, mais pour celle qu'aime l'épouvante, j'ai les doigts en sorceleur. Sorceleur d'étrangleur. L'amour avec moi, c'est du non-non. Quoi? Du non-non. Et ça ne peut pas être autrement. Quoi? Autrement. Ma bouche est une cerise. Je suis plus frais qu'un garçon. Ma peau est un drap de Venise. J'ai le regard du faucon. Et comme ça ne peut pas être autrement. Quoi? Autrement. L'amour avec moi, c'est du nana. Quoi? Du nana. Merci maman. Merci papa. De m'avoir fait comme ça. Ah ah ah. Ah ah.